C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, destroy what we are. Together we can build what we are. When we dream of spirit three, we don't give praise, we take praise. So why are we? How things are, together we'll destroy. Destroy what we are. Together we can build what we are. When we dream the spirit three, we don't give praise, we take praise. So why? You lessons you teach us from above.